15 visites au pays natal. Cette furtive promenade, le dîner frugal et la voix douce de sa nièce, parurent dilater un peu le front serré de M. Léonard. Il sentait le besoin de parler, mais il fallait qu'on l'en priât, qu'on attirât les paroles hors de ce cœur gonflé, pour le détendre par des plaintes confiantes. Ondine ne parlait que par mille attentions tendres, c'était déjà un langage. « Vous verriez suffoquer les gens sans leur adresser une question, dit-il tout à coup, en prenant son parti. Convenez que votre discrétion est un peu étouffante. Vous ne devez pourtant pas vous attendre que j'en parle sans y être à peu près forcé. Et parler d'autre chose en ce moment plutôt au périr. Ce serait comme si j'entrais dans une ville dont je ne connaîtrais pas la langue. » Ondine le regarda, comme une enfant qui essaie à comprendre, et remettant ses coudes sur ses genoux pour nouer un entretien désiré par instinct. Elle répondit au hasard, « Oh oui, je l'aimais bien. » Comment ne l'auriez-vous pas aimé ? Répartit doucement en se rasseyant sur sa chaise et se replongeant à plein cœur dans un souvenir qu'il ne pouvait plus éviter. Il ne faut pas vous figurer pourtant que je l'ai aimé à la première vue, comme dans les romans de votre sœur Cécile. Elle était depuis très longtemps ma maîtresse, que je n'en savais pas un mot. Elle m'était entrée ainsi dans le cœur, goutte à goutte, comme un diamant se forme dans le sable, et je l'ai trouvée un jour, un soir, tout incrustée à ma grande surprise, je vous jure. Voulez-vous savoir comment ? Ondine brûlait d'entendre une confidence d'amour. Elle joignit les mains avec une attention si fervente et si profonde que M. Léonard mit son homme sur ses lèvres, comme s'il priait à quelque madone immobile, à qui l'on parle amour, sans avoir peur de blesser ses chastes oreilles. D'ailleurs, ce n'est pas mal que vous sachiez que j'ai été malheureux. Cela vous empêchera de l'être aussi, peut-être, dans votre temps quand il viendra pour vous, ce temps dont vous êtes heureusement encore loin. Ondine regarda le portrait de Raphaël. Vous verrez bien par moi qu'il ne faut jamais s'attendre à être aimé juste comme on aime. Ondine prêta l'oreille avec un intérêt palpitant. Jamais comme on aime, poursuivit-il, si ce n'est dans les livres inventés, où le jeune homme est toujours adoré, idolâtré de celle qu'il adore et qu'il idolâtre, en raison d'une beauté mutuelle et de la volonté ferme du bon romancier. Voilà ma preuve, hélas. Nous étions trois amis, compatriotes et camarades d'école, et nous roulions dans une voiture publique au milieu de 16 degrés de glace, vers nos foyers du Nord. Nous roulions joyeux par une de ces impulsions contagieuses, nées d'un mot, d'un sourire ou d'une larme. Le carnaval approchait. Réunis à trois, un beau jour, à dîner chez Coliqueur, restaurateur fameux au pied du Louvre, cette parole électrique, patrie, s'échappe, frappe nos trois têtes, les exalte, et nous nous écrions en même temps. Allons-y, allons les surprendre. Moi, toute ma famille, celui-ci, son père et l'autre, sa maîtresse. Ah, ça, parole d'honneur, n'est-ce pas ? Et toi, parole d'honneur. Le lendemain, nous étions, comme je vous le disais, dans la voiture, roulant de cœur et de corps vers les pénates qui nous attiraient et nous réchauffaient, de loin par leur paternelle chaleur. Nous descendons mystérieusement tous trois dans la rue des Chapelets, jusqu'au nom des rues qui me frappent délicieusement sur le cœur. C'était là que demeurait cet ange, fiancé à l'un de nous trois. Je la connaissais d'enfance, je m'en ressouvenais, et j'en parlais comme d'une apparition, d'un modèle suave, qui m'aidait à comprendre la perfection des grands maîtres, rien de plus. Elle poussa un cri de joie en revoyant de l'ange, qu'elle aimait depuis longtemps, s'imaginant qu'enfin on venait de l'épouser. Mais bah, on venait danser avant de partir pour Rome. Sa mère, heureuse de la joie de sa fille, nous accueille dans la chambre de son gendre, en espérance, et dans cette petite chambre chaude, close, où rougissait l'étuve avec un bruit de joie. Dieu sait par quels éclats de rire immodérés, nous réveillâmes le long silence de la maison, une des plus solitaires de cette ville fermée. À force de rire, de coudre et de bouleverser l'antique garde à billes de la mère et l'armoire parfumée de la fille, nous nous transformons tous trois d'une manière passablement ridicule, mais qui nous parut charmante. Delange avait pris d'autorité les vêtements de sa maîtresse, un délicieux bonnet de gaze d'Italie, triomphant de rubans et de fleurs, et sa pelisse de satin bleu, qui laissait un peu trop voir ses bottes. Mais hélas, il était presque aussi beau qu'elle, l'autre vrai flamand tout rond, tout rose, et qu'en termes d'atelier nous appelions le bonheur en large. Coloriste comme Teniers, et agreste comme lui, s'était contenté de la moindre altération dans son aspect, jurant qu'avec une mouche noire sur l'œil, et l'accent parisien qu'il croyait avoir pris, personne ne le reconnaîtrait en Flandre. Il nous rendit malades, tant il exalta notre folle gaieté en faisant le petit maître échappé de la capitale. Il se nommait Martin, ce bon Martin, et je vous laisse à penser si celui du jardin des plantes fut oublié dans les louanges dont nous comblâmes ses airs dégagés. Il faut convenir qu'il riait d'aussi bon cœur que nous, ce qui nous empêcha d'en mourir, car si la contrainte s'en fut mêlée, nous étions perdus. Je lui donnai sa revanche, en apparaissant tout à coup sous l'attirail d'un berger de soie bleue, couvert de rubans roses et de poudre blonde, pour altérer le noir d'encre de mon énorme chevelure bouclée, qu'ils appelaient amicalement ma crinière. Pour esquiver le masque, qui m'a toujours fait horreur, je versai sur ma figure toutes les couleurs à l'huile que Delange tenait en réserve dans cette espèce d'atelier, et je peignis mes traits, un peu prononcés, en miniature digne de saint ou d'Isabée. Dieu ne m'aurait pas reconnu, et ma mère, je me le figurais, devait seule retrouver un peu de son ouvrage dans cette vignette de Berthelemot, surmontée d'une grande houlette, manche du houssoir de Madame Élie, auquel flottaient toutes les ceintures de sa riante enfant, qui nous les passait une à une par une ouverture de la porte, grondant un peu notre tapage, avec des larmes de joie dans ses grands yeux rayonnants. À 10 heures de nuit, 6 janvier de 96, nous frappâmes à coups redoublés sur la porte verte de votre maison natale. Nous n'avions rencontré que quelques habitants ébahis de ma singulière figure de taffetas, et 2 ou 3 chiens qui m'aboyaient, mais que je rembarrais à coups de houlette et de l'ange à grands coups de bottes, ce qui lui donnait une allure de femme assez peu modeste. Un grand feu brillait à travers les fenêtres de mon frère Félix. La rue en était éclairée, et le vernis des volets verts répercutait cette lueur hospitalière, comme pour m'indiquer un paradis. Oh, c'était en effet celui de mon cœur qui dansait dans ma poitrine. Une grande table était dressée, couverte de verres étincelants, d'énormes pots de bière, de dame Jeanne et de quelques bouteilles de vin, pleines de grâce et de fierté. Leur transparence égayait la vue et la vie. Tout annonçait qu'un repas abondant attirait à cette heure tout ce que nous avions d'amis et de parents, inévitable dans ces réunions de cœur. Notre apparition fut saisissante et superbe. Mon frère lui-même vint nous ouvrir et nous regarda lentement entrer, avec une surprise et une envie de rire qui me gonflaient d'attendrissement. Le chien n'avait pas aboyé à mon approche, mais désorienté par l'accoutrement qui me rendait impénétrable à toutes mes âmes sœurs, il me dévorait des yeux et s'agitait haletant comme pour me dire « Parle donc !» Je faillis lui sauter au cou. Je laissai faire à Martin l'agréable et l'éloquent auprès de ma belle-sœur, qui n'examinait curieusement que la pelisse élégante, dont sa mémoire était tourmentée. Après avoir distribué quelques boîtes de dragées à vos sœurs et à vous, petite blonde attentive et étonnée, à peu près comme vous voilà, mais étroitement serrée alors au bras de votre frère, je n'y tins pas. J'allais me planter avec ma houlette devant ma mère, qui me regarda des pieds à la tête, moi et mes ornements de trumeaux, avec le profond désintéressement de ceux qui n'ont aucun motif de curiosité dans le monde. Vous savez qu'elle était grave, et qu'à part ses enfants, tout glissait autour d'elle sans qu'elle y prît garde. Je voulus gambader, chanter et produire de l'effet, mais j'étais loin de compte, j'avais le cœur étroitement serré. La froideur de ma mère étranglait ma joie, et le rire au passage. Il me fut impossible de soutenir le premier regard indifférent qu'elle eut attaché sur moi. Je balbutiai, je fis la voix de masque, je l'appelai « Madame ». Et je fondis en larmes, en criant comme un forcené « Ah, ma mère, vous ne me reconnaissez pas ?» Et je tombai à ses genoux, m'enveloppant dans son ample jupe de Pékin mordoré, qui m'avait si souvent servi d'asile dans mes chagrins d'enfance. « Jour de grâce, c'est Constant Marie !» s'écria ma mère suffoquée, chancelante, me saisissant par le milieu du corps, et regardant au fond de cette palette répandue sur mes traits, dont la bigarrure compacte la remplissait d'indécision, de colère et de tendresse. Mes larmes et ma voix la décidèrent enfin. Elle passa vivement ses mains tremblantes dans mes cheveux poudrés, en les écartant de mon front, et elle m'embrassa, pleurant avec une amertume, une passion de mère, dont j'éprouve encore l'émotion. À force d'huile, de larmes et de patience, on parvint à nous ôter à tous trois ces vilaines figures infiltrées dans nos visages, dont l'enduit nous piquait horriblement. Ce fut alors un tumulte et des cris tels que plusieurs bons voisins accoururent pour en prendre leur part. Ils ne me parurent jamais si beaux, si compatriotes, que dans cette nuit fascinée de prestige, où ils vinrent me reconnaître et danser avec nous jusqu'à 5 heures du matin.